Bonux Automatique, son premier cadeau, c'est la blancheur. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau cadeau bonus d'ITIS de podcast. Alors pour ce nouveau numéro, j'accueille Spades. Est-ce que ça va Spades? Salut, ça va et toi? J'ai un peu perdu ma voix mais on s'entend, s'entend, mais c'est pas grave. C'est ce que je fais un peu des prestations de Père Noël et du coup, après ça m'abîme un peu la voix. Je reçois également Mikado Twix. Est-ce que ça va Mikado? Salut, bonjour les enfants. Bon, donc, vous aurez deviné aisément que nous allons aborder une thématique saisonnière, à savoir les émissions. Ouais, ça aurait pu être pas mal, ça. Cadeau bonus raclette. Ah, mais c'est pas très radiophonique. Parler de la Wii, là, non? Non, pardon. Donc, on va parler des émissions de Noël. Enfin, des programmes de Noël. Alors, l'émission sera découpée en deux parties. Une première partie où chacun d'entre nous évoquera un programme qui l'a profondément ému ou marqué dans sa tendre enfance pendant la période de Noël. Et puis, dans une deuxième partie, on évoquera des films ou des programmes à visionner, donc on conseille pour l'atmosphère de Noël et toujours sympa à visionner à Noël. Alors, on va se lancer. Alors, écoute, Spades, est-ce que tu peux nous parler de ton programme emblématique? En fait, si je dois chercher dans vraiment ce qui m'a marqué le plus au niveau des programmes de Noël dans mon enfance, il y a deux choses. La première, c'est Bruno Mazur. Ah, c'est un bon programme. Oui, comme tous les papas des années 80, je pense, le mien était très accro au journal télé le soir. Et son présentateur fétiche était Bruno Mazur. Et ce qui était remarquable avec Bruno Mazur durant les émissions de Réveillon, c'est que le type faisait son journal avec les yeux limite rivés sur la montre. On lisait dans son regard « crevette, crevette, cocktail ». Sinon, plus sérieusement, le vrai programme qui m'évoque Noël pour moi, c'est un dessin animé qui s'appelle Super Ted. Ah, alors oui, ça, Super je dois Ted. Dire que Super Ted... Choix collégial, je pense, hein, non alors, effectivement, mais honnêtement, je ne me souvenais plus du nom. Ah mais bon non, je me souvenais plus comment je suis déçu. Hein. Et bah écoute, oui, on va tout d'abord s'écouter le générique, histoire de rafraîchir les mémoires. Voici l'histoire d'un ourson en pluche, tout ce qu'il y a d'ordinaire. Mais sur la chaîne de fabrication, on lui découvrit un défaut. Et il fut jeté au rebut comme un vieux morceau de chiffon. Il se retrouva dans une grande pièce toute noire. C'est alors que venant de l'espace, un drôle de bonhomme lui donna la vie avec de la poussière cosmique. Puis, il l'emmena dans un nuage magique, où la bonne fée Nature, à son tour, lui donna des pouvoirs surnaturels. Et depuis, le petit ourson devint Super Ted. Donc effectivement, comme je le disais, le nom ne me disait rien, mais le visuel est très parlant. Nous mettrons le lien sur le post du numéro. Donc, Spade, je t'en prie, parle-nous de Super Ted. Donc, Super Ted est un dessin animé qui vient du Royaume-Uni, qui a été créé en 82. Et donc, c'est arrivé chez nous dans l'émission Croque Vacances. Non, Destination Noël plutôt, je crois. Destination Noël, ça me dit rien, ça. Destination Noël, c'était l'émission qui remplaçait Croque Vacances. C'est la version Croque Vacances de Noël. Voilà. Ah, d'accord, ok. Et donc, c'est arrivé pour la période de Noël en 83. Et donc, ça raconte quoi, Super Ted? C'est l'histoire d'un petit ourson, tout à fait banal, sauf que la chaîne de montage le trouve qu'il a un défaut et le jette au rebut. Un extraterrestre passant par là décide de lui donner la vie. L'extraterrestre aux couleurs de papier peint d'époque. Ah oui, tout à fait. Hein, et une fée lui donne des super pouvoirs quand il crie un mot magique que jamais on n'entendra. D'accord. ok. Et donc c'est pour ça que je m'en souvenais pas. Oui, c'est très très anglais en fait comme concept, j'ai l'impression. Le visuel est très anglais, oui. Oui. Mais le truc, en fait, c'est qu'au final, bah, en faisant mes recherches pour l'émission, je me suis rendu compte que de Superted, je me rappelais que du générique. Pareil, hein. Et oui, pareil, c'est un peu le souci, quoi. Mais il était emblématique parce que moi j'ai des très très vagues souvenirs. Moi je me souviens que la fée elle habitait dans une sorte de village dans les nuages, un tout truc magique dans les nuages. Et au-delà de ça, j'ai pas de souvenirs. Par exemple, je serais incapable de te dire quel était le méchant ou les méchants du dessin. Les méchants, parce qu'ils sont trois, donc un cow-boy qui s'appelle Tex. Oui, bah, original. Un squelette qui s'appelle Squelette. Mmh. Il y a un chien qui s'appelle. Non, il y a un gros malabar avec une houppette qui s'appelle Bulk. D'accord. Et en fait, qu'est-ce qu'ils veulent faire, tu t'en souviens? C'est des criminels, donc ils veulent voler des trucs, cambrioler des banques, et Super Ted est toujours là pour les empêcher d'agir. D'accord. En revanche, moi, si je peux me permettre, ce dont je me souviens parfaitement bien, c'était sa manière à lui de revêtir son déguisement de Superman d'époque. C'est-à-dire. Oui. Il enlevait tout simplement la fermeture éclair de sa peau, hein, on peut dire les choses, hein, de sa fourrure, et puis bah après il était en super tête, quoi. Tout à fait. Et de mémoire, je vous dis peut-être une bêtise, mais ça je m'adresse aux gamers, il me semble qu'il y avait le jeu sur Amstrad. Un petit jeu qui était assez médiocre, mais qui existait sur Amstrad. Ouais, honnêtement, j'en ai pas trouvé de trace, mais le truc, c'est qu'il y a quand même eu un paquet d'épisodes, 37. J'allais te demander quel est le format, du coup, de c'est ce programme. C'est 37 épisodes d'à peu près 5-6 minutes. D'accord, donc c'est du court qui passe genre... pas bouche-trou, mais un petit peu shaker et compagnie, quoi. Voilà, tout à fait. Et donc c'est réparti sur 3 saisons, et le truc qui est marrant, voilà, c'est qu'en 37 épisodes, il n'y en a aucun qui m'a marqué, quand même. Ouais, mais tous, hein, parce que dans la mémoire collective, c'était, bah, comme tu disais, on se souvient du générique. Moi, quand là, tu as dit Super Tête direct, c'est revenu, mais après, je suis incapable de te citer le moindre extrait du dessin. Ouais, oui. Donc marqué par ce programme, mais c'est pour moi il est emblématique de mon enfance, mais c'est pas un dessin animé qu'on pourrait je vois pas vraiment comment expliquer le concept. C'est ça fait partie de moi, ça fait partie de mon enfance, c'est culte, c'est pour parce moi que tu mais c'est ça le quand... générique qui est culte au final. Voilà, c'est parce que tu regardais ça quand t'étais tout petit, et c'est des lointains souvenirs, voilà, c'est des, qui sont, des images, qui sont marqués. Après, quand tu rentres dans le détail, bah, tu t'en souviens pas. Et peut-être que tu te souviens bien du générique, parce que tout simplement, c'était le truc que tu voyais le plus dans le dessin animé. C'est tout à fait. C'est en fait ce générique et Love Is All, la chanson. Exactement. C'est deux trucs que je mets à égalité, quoi. Mais exactement, j'allais t'en parler. Ouais. C'est le truc qu'on Love se souvient. Voilà. Ah oui. Ah bah oui. Voilà. Vous savez quoi, je vais en parler si vous permettez. Je l'ai pas mis dans mon choix, mais honnêtement parce que j'ai oublié. Parce que selon moi, Love Is All, c'était la chanson de Noël, quoi. Enfin, non, c'était le programme Bouche-trou aussi quand il y avait mais un truc. Pour moi, c'était Love Is All, c'était le dessin animé de fête, quoi. Vraiment. C'était surtout représentatif de Croque Vacances, quoi. Ils nous le casaient dès qu'ils avaient un trou de 3-4 minutes. C'est vrai. Et puis après, tu avais la variante avec le sirop. Plus récent, effectivement. Ouais, pas bon. Petit dessert. Bah oui, on va s'en écouter un petit extrait d'ailleurs. Ah oui, avec plaisir. Visual, toujours avec plaisir. Allez, c'est parti. Come on and join the band. Well, all you need is ça me donne envie de boire du sirop, mais bon. Ah oui, c'est Sironimo, ça me surtout avec non, ta c'est, voilà, c'est pas TCR, c'est Sironimo. C'est, ouais. C'était Sironimo, ouais. Sironimo. Ouais. Surtout avec ta voix, du sirop, ça te ferait pas de mal. La boucle est bouclée, comme dirait. C'est exact, c'est exact. C'est pas grave, je vais mettre la peau de bête, le feu de cheminée et mon bonnet de Père Noël. Et... La peau de bête de Ted. De Ted, ouais. Voilà, la peau de Ted suite à son déguisement. C'est et classe. On... Donc, pour résumer des épisodes de 7 minutes, 37 épisodes, avec un schéma qui est à peu près toujours le même, à savoir Super Ted contre le crime. Et on retient que le générique. Alors attendez, moi je vous pose une colle. Est-ce que vous vous souvenez du nom de l'extraterrestre qui vient chercher Ted? Spotty. C'est beau. C'est celui qui a une tête C'est celui qui a allongé. C'est, ouais, un punk jaune à poids vert. C'est ça. Un punk jaune. C'est clair. Et ça ressemblait pas à grand chose. Ouais, qui a été doublé quand même par Francis Lax. Ah bah oui. Francis ah bah, Lax, attention. Francis Lax. Numéro bon, à venir, on n'est pas à l'abri. Ah bah oui, après Roger Carrel, je pense bah, qui doublait Tex. Eh oui. D'accord. La boucle bah voilà. Est bouclée, encore une fois. Tout est dit, quoi. Bon, bah écoute, Spades, merci de ce choix Madeleine de Proust sur Super Ted. Alors, Mikado, ton programme, on va dire, emblématique de Noël des années 80, il s'agit des petits papiers roses. Alors déjà, on va s'écouter le générique de l'émission, histoire de se remettre dans l'ambiance. Un générique, effectivement, pas franchouillard, mais... Oui, bon, c'est de l'ordre de voilà. Barbarie, quand même. Hein, faut... voilà. Bon, personnellement, je ne m'en souvenais pas du tout de ce générique. Hein, mais après, c'est quand même une émission bah, qui date de 1975 et qui a duré 10 ans, donc jusqu'en 85. En fait, c'est les petits papiers roses, c'était, on va dire, l'émission saisonnière qui passait au mois de décembre à la place, aux fêtes de Noël, pardon, à la place des fameux jeux de 20 heures qui étaient présentés, entre autres, par Maître Capello, donc qui était vraiment la référence de l'orthographe, du vocabulaire et de la grammaire française. Cela dit, Maître Capello, je me permets de préciser, reste, c'est en rentrée dans le langage courant. C'est-à-dire que pour dire quelqu'un qui sait beaucoup de choses ou qui est une référence dans quelque chose, on dit souvent ah, bah, Maître Capello. C'est ça, bah, t'as le Pierre Richard si t'es maladroit et t'as le Maître Capello si tu te débrouilles bien en français, quoi, tu vois. Voilà. Bah, moi, j'aimais bien cette émission parce que, bah, en fait, grosso modo, c'était. Bah, c'était le Téléthon avant l'heure, c'est-à-dire que donc c'était il y avait Jean-Pierre Descombes qui était le chauffeur de salle d'époque qui était en duplex dans une ville de province et qui devait ramasser ces fameux petits papiers roses qui étaient donc des sortes de promesses de dons que les gens récupéraient dans leurs quotidiens locaux ou dans les magazines télé et qui ramassait ces papiers bah c'était des artistes qui venaient évidemment en parallèle faire la promotion de leur titre du moment et en chantant passaient au milieu de la foule et qui récupéraient donc ces fameux papiers roses quoi. Et donc en fait c'était une sorte de radio crochet ou pas? Absolument ouais, tout ouais, à fait ça. Voilà ouais, ouais. Ce qui était bien mis en avant parce que je l'ai pas souligné mais ça passait sur France Région 3 donc FR3. Et c'était moi ce que j'aimais bien dans cette émission, c'est bah déjà c'était bah s'il y avait les petits papiers roses, tu savais que c'était Noël, donc évidemment ça allait être bientôt le réveillon, etc. Et moi j'aimais bien parce que bah c'était assez festif, ça se passait en région, donc ça faisait vraiment voilà ça. Le France Région 3 avait vraiment son le nom qui allait bien. Et en plus, c'était bien parce que les promesses de dons, ça je l'ai pas souligné, mais c'était en faveur de l'UNICEF, quoi. Et moi, j'aimais bien parce que bah il y avait, comme je le disais, il y avait plusieurs artistes qui venaient. Et quand j'ai préparé l'émission, j'ai eu un gros flash parce que à un moment sur une des émissions, il y a Sim et Patrick Topalov qui viennent faire leur promotion et ramasser accessoirement ses papiers et qui chantent Où est ma chemise grise. Voilà. Bon, et ben on va se l'écouter déjà, hein, parce que je pense que. Oh non, on peut pas. Mais si, on peut. Non. Ok, c'est parti. Mais si. Je danse comme Travolta, toutes les nanas tombent dans les bras. Alors bébé, accroche-toi et trouve-la-moi. Accessoirement, il y avait quand même des Sardou, des gens comme ça qui venaient chanter, qui étaient quand même, on va dire, les gros artistes du moment. Puis bon, bah, il y avait Topalov et Sim. Bon, quoi est-ce, qu'il y a eu, est-ce qu'il y a eu Sylvie Vartan avec sa fabuleuse chanson dont on a faire, évoqué faire ça. Quelque chose, faire quelque chose. Ah, sûrement, hein, parce que bah, je vous dis, cette émission a duré 10 ans. Et donc, il y a eu quand même pas mal de... J'ai en mémoire comme ça une Karen Cheryl qui est passée, Dorothée. Une Dax, obligé. Daniel Prévost et Micheline Dax qui est venu siffler, oui, c'est obligé quoi. Ah oui. Oh bah oui, qui est venu faire oui, le colibri, tout ça, probablement quoi. Ah voilà, j'en garde pas un souvenir ému, mais quand on a préparé l'émission, les petits papiers de Noël, c'est le truc tout de suite qui m'est revenu en tête, que je regardais ça avec mes parents quand j'étais enfant. Eh bah écoute, merci pour ce radio crochet à base de papier rose et cette belle chanson que les auditeurs vont avoir pendant une nouvelle fois quelques temps dans la tête. C'est ça. Bah alors, en ce qui me concerne, pour mon émission, enfin mon programme emblématique, j'ai choisi en fait une artiste que j'espère vous connaissez tous, toutes, à savoir Chantal Goya. Ah. Alors Chantal Goya, je ne sais pas si vous avez connu, mais Chantal Goya, dans les années 80, était, pas partout, mais très très très souvent à la télé, mais plus particulièrement à Noël. Et à Noël, moi, ce qui m'avait vraiment marqué, c'est le soulier qui vole et le mystérieux voyage de Marie-Rose. Et la poubelle magique, non ? Alors, non mais voilà, je savais que ça vous ferait rire. Mais en fait, le soulier qui vole, je me rappelle surtout une espèce de chaussure avec des yeux, animée sur scène, donc avec des yeux énormes. Et là, tu vas nous dire que tu as été la voir en spectacle. J'aurais bien voulu. Ah. À l'époque, mais malheureusement, non, je n'ai pas. Ah, moi, j'étais pro Dorothée. Moi, tu sais, il y avait deux écoles. Tu sais, t'avais l'école Dorothée, l'école Chantal Goya. Moi, j'étais l'école Dorothée. Quoi. Ouais, mais Chantal Goya a quand même commencé avant. On peut au moins Chantal Goya a un univers que Dorothée n'avait pas. Quoi. Voilà. Donc, j'allais parler de ça effectivement, parce que c'est vrai que il faut reconnaître que c'était un spectacle. C'était pas que de la chanson entre guillemets, et c'était une comédie musicale finalement. Oui oui oui, absolument, hein, absolument. Donc le mystérieux voyage de Marie-Rose, alors puis après il y a eu il y avait des lapins, il y avait beaucoup d'animaux, énormément d'animaux. Le lapin est très emblématique. Il a tué un chasseur. Ah, voilà, il a tué un chasseur. La main sur les au-dessus de la tête, tout ça très bien, très ah, connu. Ah oui, oui, exact. Ou le flashback, oui. Ou le panda. Petit ourson de Chine que nous allons nous écouter tout de suite, car ça fait partie de mes chansons préférées de Chantal Goya. Panda, panda, les dents, les malayas. Panda, panda, Donc je sais, mais bon, après s'être... je veux bien Sirf déguisé en panda. Je suis désolé. Non, mais vous n'avez pas du tout subi, entre guillemets, ou été marqué par Chantal Goya. Moi, c'est moche, mais les rares souvenirs que j'ai de Goya, c'était quand elle était passée dans le jeu de la vérité. Ah non, mais j'étais sûr que tu allais en parler. Et que ça avait, à l'époque, ça avait fait un tollé, que ça avait détruit sa carrière. Quoi. Bah oui, elle avait été absolument exécrable. Je ne me souviens plus du tenant et des aboutissants, mais je sais qu'à l'époque, ça avait fait un gros bad buzz, comme on dirait aujourd'hui, et que ça avait, professionnellement, ça l'avait complètement grillé. Ah bah elle a eu une grosse traversée du désert, et après elle est revenue un peu dans les années 90, ouais, mais c'était, et elle est revenue récemment. Ouais, je crois qu'elle revient là en plus. Voilà, c'était un peu pour les bobos, c'était revenu à la mode. Et tout. C'est ça. Voilà. Mais non, mais alors, pour en revenir à l'époque, je veux dire, qui ne connaît pas Bécassine? C'est ma cousine, effectivement, Pandi Panda, Ce matin un lapin, et justement la féerie, le côté féerique des comédies musicales de Chantal Goya, avec le fabuleux Jean-Jacques Debout à la baguette. Évidemment. Jean-Jacques Debout, je veux dire, bon... Alors, je peux en parler, si vous voulez. Bah, je me permets quand même d'introduire le personnage. Jean-Jacques Debout, c'est pour moi, c'est un faciès rondouillard avec une grosse barbe et des gros ennuis avec le fisc dans les années... c'est moche, alors tu n'as pas les offres du type. Quoi. Mais avant, il faut savoir qu'il a quand même été artiste également. Donc, Mikado, je pense que tu rêves de nous en parler. Je vais te laisser parler. Ah, il a quand même, je me dis peut-être une bêtise, mais il a quand même composé Capitaine Flamme, quand même, non? Oui, et puis il a même chanté lui-même. Ah, c'est lui qui chante? Non, mais je veux dire, il est chanteur à la base. Ah, oui. Non, mais oui, non, je croyais que tu me disais qu'il chantait le générique. Non, pas du tout. Non, mais Jean-Jacques Debout, il est chanteur plutôt dans les années 60-70. Ah, ouais, non, mais là, je sais pas. Là, par contre. Moi, je sais que c'était, pour moi, c'est le compositeur de Capitaine Flamme. De Booba. Et de Booba. Ah, oui, sûrement. Ouais. Pas le rappeur, hein. Je parle bien du petit ourson. Hein. Jean-Jacques Debout, Booba, je voudrais bien voir le mélange. Ça peut être sympa, remarque. Non, mais alors c'est vrai que Jean-Jacques Debout et Chantal Goya, c'est quand même... on le voyait très très peu finalement, on focalisait énormément sur Chantal Goya, mais c'est quand même lui voilà, qui mettait en scène tous les spectacles, enfin il était vraiment l'homme de l'ombre et qui faisait que toute la mécanique et l'écosystème Chantal Goya dans les années 80 a eu le succès... fin des années 80. Je reviens rapidement dessus, mais c'est vrai que moi, j'étais pas un grand fan, hein, comme je vous l'ai dit, mais Goya, c'était vraiment une grosse, grosse star, hein, quand on est dans les années 80. Et bizarrement, il faudrait que je la revoie, cette émission-là de Sébastien, Patrick Sébastien. Et ça avait vraiment... Parce qu'elle est passée chez Sébastien en mode carnaval, tout ça. Ouais, exact. Patrick Sabatier, le jeu de la vérité. Voilà. Et ça avait plombé sa carrière, quoi. Mais de toute manière, cette émission, le jeu de la vérité, pour faire un aparté de deux secondes, il y a eu beaucoup d'artistes qui s'y sont vraiment brûlés les ailes. Hein. Il y a eu Coluche qui a fait n'importe quoi là-bas. Franchement, c'est une émission où... Les gens, alors ça marchait énormément, donc les artistes, soit pour relancer leur carrière, soit pour se frotter un peu à Patrick Sabatier, y allaient, mais c'était quand même très risqué. Je me souviens que de Coluche et de Goya, le reste, j'ai pas de souvenir. Les gros clashs, ça a été ça, mais après, c'était assez pas grand guignolesque, mais c'était vraiment basé sur titiller un peu, parce que ce sont des gens qui ont quand même beaucoup d'ego. Et en plus, Coluche, ça tombait également à une période où c'était un peu compliqué pour lui. Et puis les artistes, on sait tous que la plupart, il y a des hauts et des bas. Et il se trouve que souvent, ils allaient au jeu de la vérité, comme je le disais, pour soit relancer leur carrière, mais ça pouvait justement les précipiter vers une longue traversée du désert. Voilà. Donc bon, enfin bref, on va pas focaliser sur le jeu de la vérité, mais c'est vrai que Chantal Goya, pour moi, alors j'ai toujours entendu dire diverses émissions à son sujet, que c'était pas quelqu'un qui était très sympathique au quotidien. Et ce qui est souvent le cas d'ailleurs, hein, les personnes qui font des choses pour enfants, ou des choses drôles, ou des choses comme ça, au quotidien, sont pas forcément... C'est des clowns tristes, ni plus voilà. ni moins. Voilà. Ça doit les gaver alors au bout d'un moment. Oui, mais il y a une différence entre un clown triste, donc quelqu'un de dépressif, comme malheureusement Robin Williams qui nous a quittés il n'y a pas longtemps, et être épouvantable avec les autres, comme la rumeur le veut avec Chantal Goya. Quoi. Exactement. Enfin voilà, donc écoutez, je vois que je suis seul de nous trois à avoir bien aimé Chantal Goya, j'ai d'ailleurs encore le 33. Non, mais... Avec... Ah, mais la période Babar aussi. J'aimais beaucoup Chantal Goya aussi quand j'étais petit. Surf en cosplay de Booba. Quoi. Là, j'ai une image là, c'est peut-être un... Non, mais par contre, effectivement, il a eu sa grosse période Babar, parce que j'ai encore le 33 tours où. C'était quoi Babar ? Je me souviens plus. Bah, elle chantait des chansons sur Babar. Ouais, mais et, elle chantait quoi ? Avec Pinocchio. Bah, non, mais en fait, elle. Babar, elle... Babar, voilà. Gentil petit éléphant. Babar, il est là, Babar, le Babar. Voilà, il est là. C'est remonté de loin là. Attention, j'envoie l'extrait. Non, je déconne. Faut pas pousser non plus. Non, mais Babar, voilà. Que des animaux, en fait. Elle a fait mais 80% de ses productions autour des animaux. Voilà, c'est... Enfin, ouais. Après, je voulais sentir les mais le truc marrant avec le mystérieux voyage de Marie-Rose, c'est quand même la personne qui donc doublait l'un des personnages principaux, un certain Jean Topard, qu'il faudra bien donc qu'on fasse quelque chose un de ces jours, je pense. Ah, Monsieur Topard. Monsieur Topard. Il n'y aurait pas une histoire d'animaux là-dedans. Et oui, en effet, toujours des animaux. Vous voyez. Donc, bon, enfin voilà. Donc, et puis, alors, très très connu au Japon également, bien sûr. Hein, comme d'hab. Mais c'est la coupe de cheveux, ça. C'est un peu à la. Hey, elle a influencé Luke Skywalker un peu. Hein. Ouais, aussi. Ouais. Elle est copyrightée, sa coupe de cheveux. Ah oui, non, mais ce qui est fort, c'est qu'elle n'en a jamais changé. C'est-à-dire que même quand elle a fait son retour là, dans les années 2000, même coupe de cheveux. Hein. Et honnêtement, elle a pas beaucoup vieilli, hein. Elle a pas trop changé. Hein. Parce que récemment, j'ai revu Lio. Tu parles de la perruque ou de. Non, de Chantal Goya. J'ai revu Lio dans une émission, je sais pas si vous l'avez vu. Elle a reçu. Hein. Mais c'est terrible, la pauvre, elle m'a fait de la peine. Enfin bref. Banana. C'est quoi ça? Truc qui n'a rien à voir avec Noël. Et Lio, Banana Split, programme de Noël également, a été invité dans les Débarquez-moi! De Jean-Luc. Ah oui, oh la vache. La haie d'honneur, tout ça. Enfin, je pourrais m'en faire la haie d'honneur, le souvenir que tu as envoyé là. Ah oui, avec le micro-casque, souvenez-vous. Quand il avait invité Whitney Houston et sans parler un mot d'anglais, tu vois. Enfin, classe. Voilà, enfin bon. Donc, ouais. Tout un tas de programmes plutôt pour les enfants quand même. Débarquez-moi. Débarquez-moi. C'est pas plombé, là, sérieux. Enfin voilà. Bon bah écoute, cher Mikado, comme tu veux pas chanter Débarquez-moi, on va basculer sur la sélection des conseils de visionnage pour Noël. Alors bah écoute Spades, est-ce que tu veux commencer sur cette sélection? Allez. On commence avec Le Secret de la Pyramide. Allez, alors pour quel âge? Parce qu'on va essayer de donner un peu les tranches d'âge. On va dire 8-10 ans à peu près. Disons qu'il y a certaines scènes, dont la première, qui peuvent être un peu dures à regarder, donc éviter de les traumatiser quand même. D'accord. Bon, alors, quelle année, qu'est-ce qui se passe, quand même vous en parler un petit peu. Donc, Le Secret de la Pyramide, c'est un film américain qui est sorti le 4 décembre 1985, qui est réalisé par Barry Levinson, qui nous donnera plus tard, donc, par exemple, Good Morning Vietnam, qui est loin d'être... Ah, oui, grand film. Pas film de Noël, hein, on va pas se mentir. Voilà, mais grand film quand même. Ouais. Mais ce qui est surtout intéressant, c'est le nom du producteur, un certain Steven Spielberg, et au scénario, un certain Chris Columbus. Ah. Donc exactement le même combo qu'un film Goonies. Qui s'appelle Les Goonies. Et c'est marrant, je peux me permettre, ça me dit rien du tout. C'est un film qui est passé quasiment incognito. Réellement, quoi. Ceux qui l'ont vu, on en garde un très bon souvenir en règle générale. Ouais. Mais c'est un film qui a eu un très peu de succès en salle. D'accord, donc, il a fait un four, quoi, non ? Oui, tout à fait. Donc, l'histoire, ça se passe à Londres en 1870. Un jeune adolescent du nom de John Watson fait son arrivée dans l'école de la Brompton Academy de Londres. Et il va y rencontrer un autre adolescent qui va devenir son meilleur ami. Un type à l'esprit acéré, capable de déduction géniale. Un certain Sherlock Holmes. Ah, d'accord. C'est après, et après, il y a eu le jeune Indiana Jones, tu vois. Et avant, il y a eu le jeune Sherlock Holmes. Voilà, et justement, le film aux États-Unis s'appelle Young Sherlock Holmes. Tu vois. Et donc, tout simplement, ce jeune Sherlock Holmes et ce jeune John Watson vont se retrouver à enquêter sur une série de morts étranges qui seraient mêlées à une secte égyptienne de l'Antiquité. Et nous rappelons, c'est pour enfants. Hein. Oui. Et des sectes, des morts, mais non, mais. Je te rappelle qu'on a tous grandi avec Rémi sans famille hein, dans les années 80, donc côté violence, on était servis. C'est vrai. Hein. C'est vrai. Ah ouais. Mais donc, le truc, c'est que tout le film est construit sur l'explication de pourquoi Holmes est devenu un type asocial qui a du mal à se lier avec les autres. D'accord. Et tu l'as regardé, toi, tu, pour les deux ans Et aujourd'hui, ça a pris un petit coup de vieux. Ça a pris un petit coup de vieux, forcément, mais ça reste un film très agréable, qui est très, très, très dynamique. Parce que l'avantage de ce genre de film, c'est que c'est une tranche d'histoire. Mmh. Enfin, c'est une, et du coup, bah, que tu le regardes un film qui traite des années 1800 quelque chose, en 85 ou, en, ou aujourd'hui, c'est, ça reste toujours le, les mêmes décors, la même thématique. Donc, voilà. Et je pense que ça vieillit moins qu'un film de la période. Quoi, justement, au niveau des décors, ça rappelle beaucoup ce que fera Chris Columbus plus tard sur les premiers Harry Potter. Ah d'accord, ok. Une esthétique très victorienne dans l'âme. Ah bah tu vois, honnêtement, j'ai regardé la bande-annonce quand tu nous as cité le truc. Honnêtement, ça a l'air sympathique. Hein, Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a, que dans ce film, on trouve aussi le premier personnage en image de synthèse. Donc une scène où un vitrail prend vie et va agresser un prêtre. Oula, ça fait, pour les petits, c'est un peu flippant, ça, non? Non, enfin oui, mais bon, les gamins aiment bien avoir peur aussi. Et là, oui, c'est de la peur, c'est de la peur c'est de non violente. Quoi, mais voilà. Light, quoi. Voilà. Et le truc, c'est que cette petite séquence, elle est faite par une fraction de ILM, le célèbre studio de George Lucas. George Lucas, oui. Et cette petite fraction est un truc qui s'appelle Pixar. D'accord, ok. D'accord, okay. C'est là qu'on découvre les débuts de Pixar réellement. Ah, et t'as une idée de si c'est édité en DVD, en Blu-ray ou autre ou pas ? DVD, c'est sûr, parce que je l'ai dans la main à l'instant. Ouais. Blu-ray, je pourrais pas dire, mais vraiment. T'as une idée de la qualité du DVD ? Enfin, quand tu l'as revu, ça t'a paru genre oulala la vieille VHS ou propre ? Non, non, l'image est plutôt propre globalement. La VF est très bonne. D'accord. Comme en règle générale avec les films jeunesse de cette époque. Hein. Oui, c'est ce que j'allais dire, ouais. Et vraiment, même s'il n'y a pas d'acteurs qui sont réellement connus dedans, c'est un film que je vous conseille de voir. Et avec des gamins de 6 ans, ça passe très bien, quoi. D'accord, ok. Ok. Bon, bah, là, honnêtement, tu m'as bien vendu le truc. Hein. C'est clair. Bon, Mamikado, t'as quoi à nous vendre, toi ? Eh ben, moi, moi, je vais un petit peu tricher parce que ce que je vais vous vendre, ça date des années 30-40. Parce que je vais vous vendre, moi, le truc, les dessins animés qui passaient à Noël, à savoir les Tex Avery, quoi. Parce que c'était le truc qui passait souvent entre Noël et le réveillon. Encore une fois, de mémoire, je crois que c'était sur FR3. Je me souviens que mon papa, moi, il m'avait enregistré les dessins animés qui passaient en cassette vidéo, en VHS. Et c'était une cassette que je regardais, que je re-regardais, que j'ai vu des dizaines et des dizaines de fois, à tel point que quand j'en ai regardé quelques-uns pour préparer l'émission, et ben les épisodes, ben, je les connaissais tout simplement par cœur. Et pour la petite anecdote, vous savez, il y a une dizaine d'années, un très beau coffret DVD collector qui était sorti de l'intégrale des Tex Avery, et il y avait la VF. Et moi, j'avais jamais vu un Tex Avery en VF parce que dans les années 80, ça passait en VO, sous-titré en orange, souvenez-vous. Donc pratiquement illisible, ouais, rouge, enfin un truc pratiquement illisible. Et de les revoir à l'époque en français, ça m'avait choqué parce que ce qui fait, évidemment, Tex Avery rapidement, c'est du cartoon. Hein, selon moi, c'était vraiment le meilleur de ce qui se faisait en dessin animé humoristique. Pour vous donner un titre d'exemple, The Mask, c'est directement inspiré de l'univers de Tex Avery. Et ce qui rajoutait tout ces cartoons, c'était les voix. Notamment, j'ai en tête le Jerky Turkey, si vous vous souvenez bien. C'était une espèce de dinde. Oui, la grosse dinde blanche avec les fesses à l'air et sur la tête. Là, et qui a une voix genre « Hey, come on, Turkey, hey, come on, come on ». Et ça... Quand je l'avais revu en français, je me suis dit, ça perd tout son charme. C'est comme Droopy. Évidemment qu'on connaît. You know what? I'm happy. Et en français, ça donne bonjour, je suis content. Et ça fait blasé, mais pas dans le bon sens du terme. Et voilà, donc moi, Tex Avery, c'est le truc que je recommande. J'ai pas encore eu l'occasion de les revoir avec mes enfants. Mais je sais que je vais me faire un grand plaisir là pour ces fêtes de fin d'année de les revoir avec mes petits. Et je sais que je vais rire avec eux parce que. Donc, de 7 à 77 ans, quoi. Ah oui, Et d'ailleurs, petite anecdote, moi, j'ai un épisode culte que j'aimerais qu'on se passe un petit extrait, qui s'appelle Magical Maestro. C'est un épisode où en fait t'as le chien là qui est une sorte de bulldog et qui fait un concert où il chante Figaro et il refuse pour son spectacle pas le loup du Tex Avery mais un autre loup, vous savez qui a des petites moustaches à la Don Diego là. Ah, ouais, oui. Je vois tout à fait. Qui est magicien, il le refuse à son spectacle, et en fait, ce loup, pour se venger, pique la place du chef d'orchestre et fait toutes les misères du monde au ténor, qui chante Figaro. Et en fait, pour l'anecdote, il faut savoir que cet épisode est censuré et banni même, parce que, soi-disant que, y a un moment, par exemple, le chanteur se prend une cymbale de batterie sur la tête et d'un coup, ça fait comme s'il avait un chapeau de chinois et il chante... Et moi, quand j'étais môme, ça me faisait triper. Et cet épisode, malheureusement, il faudrait que je vérifie, mais je crois qu'il n'est même pas disponible sur dans le DVD, quoi, dans l'intégrale. Et cet épisode, est, pour moi, est cultissime. Quoi. Eh ben, on va s'écouter un extrait. C'est parti. Largo, pardon, de la città, largo. La la la la la la la la la. Presto, tenga que darme ya, presto. La la la la la la la la la la. Ah, que bel vivere, que bel piacere, che bel piacere. Per un barbier di qualità, oh, bravo Figaro, bravo, bravissimo, bravo. La la la la la la la la la la. Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, nanana. Non, ça vous parle, non? Ah, moi, je suis. Pour moi, c'est cultissime. Tex Avery, pour moi, c'est ouvertement culte. Ça défie le temps. On pourrait faire des n'importe quelle période le podcast. On pourrait parler de. Quelle période de podcast. Non, mais c'est vraiment cool parce que c'est la base de l'humour cartoonesque. Ah, mais tout à fait. Et The Scary Squirrel, le loup, la pin-up. La pin-up qui est ultra culte encore aujourd'hui. Il y avait des épisodes où, en fait, j'appelle ça des one-shots, où en fait les personnages ne reviennent jamais. Par exemple, la petite voiture taxi qui rêve de devenir un bolide, la variante avec le petit avion, et les deux frangins, comment, Junior ? Junior. Ouais. Enfin, c'est cultissime, quoi. Franchement, Tex Avery, moi, c'est le programme ultime de Noël. Pour moi. Ok. Bon, et ben écoute, merci pour cette évocation effectivement de nombreux dessins animés. C'est souvent la période des dessins animés quand même, Noël, c'est vrai. Que ah bah oui. Forcément, oui. Programme familial. C'est ce qu'on retient en enfant, quoi. Oui, voilà. Tout à fait. Bah moi, j'ai un petit film là qu'on va quand même évoquer. C'est Le Père Noël est une ordure. Ah. Donc, en termes de tranche d'âge, on va être sur 12+. Oui, je pense. Hein, comme on dit chez Peggy. Donc, Le Père Noël est une ordure. Je pense que il ne peut pas y avoir un Noël sans qu'il y ait une diffusion du Père Noël est une ordure. Le Père Noël est une ordure, bah, c'est sorti en 1982, et en fait, le film est l'adaptation de la pièce qui avait été créée par toute l'équipe du Splendide. Et le film, par contre, lui, a été réalisé par Jean-Marie Poiré. SOS Amitié, bonsoir. SOS Détresse Amitié. Ah, Détresse Amitié, bonsoir. Eh oui, un pied sur le bouton. Alors, le pitch du Père Noël est une ordure, très rapidement... Donc, comme tu viens de le dire, Spades, il y a des bénévoles qui travaillent pour SOS Détresse Amitié. En gros, le film et donc la pièce est une succession d'arrivées de personnages absolument... Tous plus tarés les uns que les autres, faut être très clair. C'est exceptionnel. Ah oui, je veux dire, les personnages du Père Noël est une ordure. Alors, ok, il y a un côté d'où on déconseille quand même au moins de 12 ans... Mais enfin, il y a des personnages qui sont vraiment à hurler de rire. Ah, tout à fait. Franchement, ça fait partie des meilleurs rôles de Christian Clavier, qui joue dedans donc un travesti, avec notamment le fabuleux passage où il a un repas de famille, donc un réveillon, et il décide, donc il contacte SOS Détresse Amitié, et il leur demande s'ils peuvent passer, et donc les bénévoles disent « Ah non, non, on ne peut pas passer la permanence », et tout. Et là, il leur dit « C'est Noël !» Et donc là, il dit, bon, bah voilà l'adresse. Donc il y a Thierry Lhermitte qui joue un des deux bénévoles avec Anémone, qui lui donne l'adresse. Et donc il lui dit merci. Et là, au moment de quitter la pièce, donc le repas de famille, on a droit à Charles Bronson avec nous, Charles Bronson avec nous. alors que ben, Christian Clavier est voilà, un travesti. Katia. Voilà, pour se moquer de lui, qui a dit Katia, quoi. Mais je le trouve, enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais franchement, Clavier dans ce film, je ne me souviens pas d'un rôle. Si, alors forcément, il y a Les Bronzés aussi, qui, ouais, ouais. Où il est pas mal dans Les Bronzés. Mais il est visiteur. Ouais. Son ouais. personnage de Jacques Couillet culte. Non, doucement, doucement. Ouais, ouais. Là, je mets un bémol. Ouais, moi, gros bémol. Un bémol. Par contre, Clavier, bon, là, je crois que c'est de 90, mais j'avais beaucoup aimé l'opération de Cornet de Bif. Ah oui, aussi. Ah oui, alors. Avec Jean Reno. Ah oui. Et après, non, j'aime plus. Voilà, bah, moi, pour moi, c'est ça. C'est ça, en fait. Parce qu'après, ça a dérivé sur Les Anges Gardiens et ce genre de film. Ah oui, oh là là, j'avais oublié ce film. Oh, t'es dur, je l'avais effacé, celui-là. Mais non, mais c'est. Voilà, en plus, c'est. Bah, ouais. C'est toujours poiré, quoi. Bref, donc, voilà, bah, moi, c'est le film, effectivement, que. Et tant de répliques cultes dedans. Bah, mais non, mais. Tellement franchement, de répliques cultes. Des. Enfin, Josiane Balasco, ah, qui joue avec le fameux Simon. Donc le jeu où il faut mémoriser les bruits et les lumières. Mmh. Elle est bloquée dans un ascenseur à un moment. Et donc elle est obligée de dire « Minuterie !» toutes les 10 minutes parce que sinon elle se retrouve dans le noir. Elle joue de la trompette parce que voilà, elle ouvre les jouets qu'elle devait amener pour le réveillon. Elle est bloquée dans l'ascenseur. Enfin, c'est, moi je trouve exceptionnel ce programme. Oh, franchement, monsieur. Oh, une serpillière, mais non, c'est un gilet. Cette réplique. Il y a des trous plus grands. Il y a des trous plus grands pour les bras. Voilà. Et oui, vous m'aviez beaucoup mieux réussi que le porc. Enfin non, mais c'est. Enfin moi, je. C'est marrant, c'est pas culte hein, chez moi. Vous allez me fouetter, hein, je pense. Hein. C'est... Je reconnais que c'est une œuvre culte, mais moi, ça me parle et pas mais... trop quoi. Et Monsieur Preskovic. Monsieur Preskovic. Et le Doubichou, non, c'est pas ça. Bah les Doubichou et rouler sous les aisselles. Évidemment, le Cloug. Ah, c'est quoi la différence? Je me souviens plus. Alors, les Doubichous sont des espèces de petites crottes, en fait, qui sont donc, soi-disant, roulées sous les aisselles, hein, comme des crottes en chocolat, quoi. Yum. Et le Cloug, c'est une sorte de bûche. Et le Cloug, c'est ce qui jette par la fenêtre à un moment du film, qui casse le pare-brise, parce que c'est très, très dur à l'extérieur et c'est complètement mou à l'intérieur. Et donc, à un moment, ça tombe aussi sur la veste d'un personnage. Sur Philippe Jay, il est mort blanc. Oui. Il se refait la scène. Mais non, mais c'est ça. C'est de la merde. Mais c'est de la merde. Il essaye de nettoyer. Il a un costard blanc et donc il y a malencontreusement du marron, donc du clou qui tombe dessus. Et elle sait non, mais je vais le nettoyer. Elle lui nettoie sa veste blanche. Elle étale le marron. Enfin bref, donc. Par contre, voilà. Vous avez déjà vu la pièce de théâtre? Oui. Et ben, très honnêtement, j'allais y venir. Enfin, moi, ça n'a. Moi, j'ai jamais vu. C'est pas que ça n'a rien à voir. Mais ça n'a rien à voir, je suis d'accord. Mais enfin, en fait, bah, forcément, c'est un huis clos, du coup. Même si le film l'est quand même en grande partie, même s'il y a quelques extérieurs. Mais ce que je trouve, c'est que pour moi, j'ai préféré le film. Bah, moi, je préfère la pièce de théâtre. Et bah, voilà. Je trouve qu'elle va tellement plus loin dans le délire que. Elle est moins. Elle, pour le coup, je la mettrais encore plus. Voire du 14 ans, ouais. Voilà. Parce que je l'ai trouvé, entre guillemets, un peu. Trop vulgaire par rapport au film. Le film est quand même un peu édulcoré entre guillemets. Et ce final totalement apocalyptique, le final de la pièce de théâtre est totalement différent de la version cinéma. Et c'est l'apocalypse totale ce truc. Ah oui, non mais bah tu, enfin, c'est à l'origine il y a la pièce, donc effectivement, puis donc ils n'étaient pas forcément connus, donc ils pouvaient se permettre d'aller très très loin dans tout. Mais quand ça sort au format cinéma, on est obligé de reformater la chose pour que ce soit visionnable par un plus grand nombre, pour que ce soit un peu entre guillemets familial. Mais bon, il y a quand même du Gérard Jugnot qui s'affaire sur découper un peu un corps quand même, mais on ne voit jamais. Hein, mais il est magique dans son rôle de hey, passe-moi la scie, machin. Ah, ouais, non, c'est magnifique. Ouais, non, c'est Joyeux Noël Félix. Félix, il a un kiki. Et Zézette, ça dépend, ça dépasse. Mais voilà. Le formulaire, honnêtement, Christian Clavier qui aide Zézette, jouée par Marianne Chazelle, à remplir son formulaire pour la sécu ou je ne sais quoi, avec son numéro de sécu, mais c'est pareil, c'est les deux personnages là, Zézette qui parle comme ça avec les grandes pompons, qui est donc enceinte jusqu'aux oreilles, avec son caddie de course, qui est donc marié à Gérard Jugnot, qui lui... En gros, c'est lui le Père Noël, c'est pour ça, donc, d'où le Père Noël est une ordure. Donc lui, il fait des piges dans les grands magasins et puis devant aussi les clubs un peu louches de Paris pour déguiser en Père Noël, voilà, pour les flyers. Donc Félix qui veut retrouver sa femme Marianne Chazelle et qui ne veut plus rentrer parce qu'elle en a marre de vivre dans une caravane au milieu des lapins et ainsi de suite au bord du périph. Enfin bon, c'est enfin voilà. Ouais, tout est culte. Non mais je pourrais en parler des heures après. Voilà, il faut absolument, je pense. Alors je comprends que chez certaines personnes ça puisse être un humour un peu particulier et qui ne plaise pas à toutes et tous. Tu veux ton cadeau bonus C'est un avis d'ordure quoi. Splendide, ah, quoi. Ah oui, le splendide mérite. Il est prévu, le truc. D'accord. Ah oui, oui, non, non. C'est eh ben, on le note sur les tablettes. Je pense que Spade, c'était d'accord avec moi. Ah oh, oui, largement. Bon, c'est pas grave, Mickey, on t'invitera pas. Ouais, bon, je suis pas parfait, je suis désolé. Voilà. Bon, enfin, voilà, donc effectivement, on l'a peut-être pas tous les ans à Noël, mais au moins une année sur deux, quoi. Ça, c'est... Surtout avec la TNT, maintenant que vous avez beaucoup plus de chaînes, autant vous dire que l'offre de chaînes s'élargit. Donc, Pire des cas, si vous cherchez des programmes des années 80, nous avons notre rubrique Télé 80s. Donc n'hésitez pas à venir consulter sur 80slepodcast.fr. Exactement. Avec la sélection des meilleurs programmes 80s chaque semaine. Bon, enfin voilà, donc bah écoute, non, moi j'adore ce film. Vous l'aurez compris, aisément. Hé, hey, Charles Bronson, fais pas la tronche, quoi! Allez, t'as pas de raison de te déprimer! Arrête de m'appeler comme ça, papa, ça m'horripile! Hé, hey, Bronson, avec nous! Bronson, avec nous! Bon, bah écoute, Spades, est-ce que t'aurais un autre programme à nous conseiller? Si je vous dis Natigan, ça vous fait penser à quoi? À rien. Voilà. À Willow. Mais. Ah oui, oui, oui. Mais ça n'a rien à voir. Eh oui, donc, Natigan, c'est encore une fois un film qui est passé totalement à la trappe à l'époque où il est sorti, donc en 86. C'est un film qu'on pourrait conseiller en gros pour un enfant de 10 ans. Pour expliquer, moi, quand j'ai découvert Natigan, c'était dans une période où j'étais un grand fan de Jack London. Et je trouve que le film colle bien à cette ambiance-là. Donc, Natigan, c'est l'histoire de Nathalie Gann, une jeune fille de 12 ans. Qui vit donc durant la Grande Dépression à Chicago, donc la période des années 30. Et son père, en fait, va devoir partir dans l'état de Washington, donc à l'autre bout des États-Unis, pour trouver du travail, et l'abandonner pendant quelques temps pour pouvoir survivre, donc tout simplement, parce que financièrement, ils sont au bout. Mais elle supporte pas la personne chez qui elle est restée, donc elle décide de rejoindre son père à tout prix, et on part donc sur un grand périple à travers tous les États-Unis, où elle va croiser donc des vagabonds qui voyagent illégalement à travers les trains. Elle va sympathiser avec un loup qui est dressé pour le combat et qui va devenir son vrai compagnon de voyage. Et elle part à la recherche de son père, tout simplement. Donc, en fait, c'est Rémi sans famille, quoi. Mélangé avec Shinobi, quoi. Pour le... Bah, disons que le loup est quand même un gros atout pour le film. Hein. Ça aurait été un chihuahua, ça aurait eu beaucoup moins d'impact. Desquels ? Mais donc, le film... Au casting, on trouve un certain John Cusack qui fait certainement un de ses tout premiers rôles. Oui, j'imagine, oui. Il est tout jeune dedans. Et celui qui joue le père donc, de Natigan, c'est Ray Wise, qui donc joue Leo Nash dans Robocop, l'un des criminels, mais et qui deviendra ultra culte dans les années 90 en devenant le papa d'une certaine Laura Palmer. Ah. D'accord. Donc le film, vraiment, c'est un film d'aventure où elle va traverser plein de péripéties, se lier d'amitié avec des gens, se retrouver en maison de redressement parce que c'est une vagabonde. Et Zora Larousse, quoi. Voilà. Son père, à l'autre bout des États-Unis est persuadé qu'elle est morte dans un accident de train. On le voit sombrer dans la dépression, devenir suicidaire. Et le film est... Rappelle-moi l'âge, là. Non, c'est 10-12 ans. Non, mais c'est bien, c'est festif, quoi. Ouais, c'est très, très festif, et tout, finit bien, forcément. Comme dans Rémi sans famille. Voilà, c'est vraiment typique, une histoire typique des années 80, quoi. C'est ce que j'allais te dire, là le pitch, là, on est dans les 80s, mais à mort. Quoi. Ouais, voilà, mais vraiment, c'est un film qui se laisse très, très bien regarder. Je l'ai revu pour l'émission, et je le conseille franchement, quoi. D'accord, ok. Eh ben, ça, tu me l'as moins bien vendu que... Ah, c'est plus particulier comme ton. Ouais. Nathalie Sougan. Nathalie Sougan. T'habites où? Je... Vagabonde. Où sont tes parents? Je sais pas bien, je cherche mon orpheline. Père. Orpheline. Je suis pas une orpheline. Cellule numéro 1. Je suis pas une orpheline. C'est ça, oui, t'as raison. Bon, Mikado, un autre choix? Bah ouais, moi, j'aime bien tout ce qui est un petit peu héroïque fantasy et je vais vous proposer, moi, Lady Hawk de 1985 par un certain Richard Donner et avec Matthew Broderick en tête d'affiche et surtout la magnifique Michelle Pfeiffer qu'on a pu voir Broderick, par là. Matthew Broderick dedans? en tête d'affiche. J'aurais dit Roger Hauer, moi. Pardon, moi, c'est ce que j'allais dire. Moi, je retiens plus parce que je me souviens effectivement, c'est Roger Hauer. Qui faisait encore à l'époque des trucs de qualité. C'est le, oui, voilà. C'est le chevalier. Voilà. Oui, oui, mais, ouais, mais pour préparer l'émission, j'ai regardé un peu les fiches qui se faisaient. Et la tête d'affiche, c'est Matthew Broderick. Ah, parce que maintenant, il est. Enfin, voilà. Non, mais la tête. Il y a des gens qui se souviennent de Matthew Broderick maintenant. Bah oui, attends, il faisait l'inspecteur Gadget. Oui, mais depuis. Alors, bah c'est tout. Voilà. Il fait même pas Inspecteur Gadget 2. Ouais. Non, mais c'est vrai que honnêtement, on m'aurait demandé les deux héros du film. J'aurais cité Roger Hauer et Michel Pfeiffer, quoi. Ah ouais. Qui passe en second. Moi, j'aurais dit Michel Pfeiffer en premier, quoi. Oui. Michel Pfeiffer qui joue après, dans évidemment, Catwoman dans Batman. Et dans Esprit Rebelle. Voilà. C'était très mauvais, mais bon, c'est autre chose. Oui. Et grosso modo, le pitch, eh ben, en fait, c'est Philippe Gaston, qui est incarné par Matthew Broderick. C'est un jeune voleur emprisonné dans un donjon, donc à Aquilin, donc ça, c'était le pays local, et qui réussit à s'échapper donc des cachots, et qui est rattrapé par la garde lancée à sa poursuite. Mais il est sauvé in extremis par Étienne de Navarre, donc qui est joué par Rutger Hauer. Donc c'est un ancien chef d'Aquila et qui est accessoirement l'amant de la très belle Isabeau d'Anjou, donc qui est incarnée par la magnifique, je le dis très sincèrement, oui, non, Michelle Pfeiffer, qui provoqua la grande jalousie de l'évêque d'Aquila, qui est joué par John Wood. Je me souviens plus qui est cet acteur, très honnêtement. Et donc, qui était également fou amoureux d'Isabeau. Et en fait, par jalousie, il chasse le couple et les condamne en pactisant directement avec le diable. C'est-à-dire que maintenant, ils sont victimes d'une malédiction. Le jour, Isabeau est transformé en faucon. Et la nuit, en fait, Navarre devient loup et elle reprend sa forme humaine. Voilà. Et en fait, le pitch, c'est que, n'arrivant plus à gérer cette situation, en fait, Étienne de Navarre décide de faire justice et d'assassiner l'évêque. Et en fait, le seul moyen de rompre cette malédiction, c'est d'assassiner de mémoire l'évêque pendant la pleine lune. Pourquoi ? Parce que pendant la pleine lune, c'est le rare moment de l'année où Isabeau et Étienne sont tous les deux en forme humaine, parce que, entre guillemets, il fait jour et nuit à la fois. Vous voyez ? Et en fait, toute l'histoire tourne autour de ça. Et moi, j'avais adoré à l'époque ce film. Je trouvais qu'esthétiquement, il était très très beau. Moi, j'ai eu l'occasion de revoir un petit peu le Blu-ray, qui est vraiment de très bonne facture, qui est bien nettoyé, qui est propre. Et c'est curieux parce que ce film-là, quand j'en parle autour de moi, ça ne parle absolument à personne. Du coup, j'ai fait un peu mon enquête et il s'avère que ça a fait un four monumental à l'époque. Ah oui, ça avait même plombé plus ou moins dans la mouvance des Princess Bride et des films un peu comme ça, non ? Des Willow. Non, il est beaucoup plus dur que Princess Bride. Plus dur ? Ah ouais. Oui, c'est. Très honnêtement, je pensais, quand je l'ai revu, le dire, tiens, je vais le regarder, puis je le regarderai une nouvelle fois avec mes enfants à Noël. Un petit peu dur quand même. Enfin, mon petit de 6, c'est un peu light. Hein. Je le conseillerais honnêtement, minimum 10-12 ans quand même. Hein. Ah oui, je pense aussi. Bon, même si j'ai dû le voir, je devais avoir 8 ans à l'époque. Pareil. Et il m'avait marqué aussi énormément. Moi, je me souviens ça m'avait marqué au fer rouge, de la beauté de Michel Pfeiffer. Ça fait 4 fois que tu le dis, j'ai l'impression que j'en serai amoureux. Quoi. Mais j'ai le même crush sur Michel Pfeiffer. Et puis quand je l'avais revu dans Batman, oh là là là. Et marrant, dans Esprit Rebelle, moins déjà. Hein. Non, c'est nul. Mais vraiment. Ouais, c'est terrible. Mais je sais pas pourquoi. Et en plus, ce film avait fonctionné, ce que j'avais vraiment pas aimé, quoi. Parce que la musique était à la mode. Voilà, la chanson, on entendait que ça. C'était quoi ? C'était Snoop Dogg, non ? Non, c'était Coolio. Ah oui, Dangerous Minds et tout. Ouais. Mais non, Lady O. C'était une reprise de Stevie Wonder. Tout à fait. Part-Time Paradise. Bref, c'était un viol parce que celle de Stevie Wonder, elle est très bonne, mais enfin bref. Voilà. Donc voilà, donc un très très beau film. Bon, on va pas se mentir, c'est vraiment un film que tu sens que c'est un film qui a été fait dans les années 80 quand même. Hein. Mais je trouve que c'est en polystyrène. Les décors sont des décors réels qui ont été tournés dans la région de l'Aquila, qui est une ville italienne. D'accord, bah, tu vois, je l'ignorais. Et vraiment, les décors, je suis désolé, tu prends un film d'Heroic Fantasy actuel, les décors font pas le figure à côté de ce que propose les Kyo. Ouais, je suis assez d'accord. C'est vrai qu'en ce moment, là, depuis l'effet Harry Potter, il y a eu tout plein d'ersatz de films dans ce genre-là. Encore là, actuellement, il y en a un à l'affiche. Là. Tu vois, je suis même incapable de te donner le nom. Et tu dis, ouais, ça va, enfin, là, ça fonctionne plus. Et Lady Hawk, esthétiquement, il est vraiment bien. Oui, moi, Richard Donner, c'est un réalisateur qui est très oublié maintenant, malheureusement, mais c'est quand même un grand, quoi. Ah oui, L'Arme Fatale. L'Arme Fatale, Superman, La Malédiction, le vrai, hein, pas le remake, le vrai. Bon, ben, écoute, merci pour ce choix de Lady Hawk. Moi, je ne vais pas faire un choix, mais je vais parler pareil d'un acteur pour lequel on nous sort effectivement systématiquement des films au moment de Noël. C'est Louis de Funès. Évidemment. Donc, Louis de Funès, les quatre grands classiques qui nous sont proposés très souvent à Noël. On a Le Corneau, donc de 1900. Oh, bah alors, elle va moins bien marcher maintenant. Hein. Voilà. Je fais bien, toi, non ? Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Comment ça, qu'est-ce qu'il y a ? Il faudrait qu'on se fasse un sketch. Sirfan de Funès, ça me va bien. Ouais. Ouais. Il tient bien. Qu'est-ce qu'il y a? Et voilà, donc on a ce film-là. Donc, pour raconter l'histoire rapidement, c'est comme son nom l'indique, un personnage un peu simple d'esprit dont on abuse un peu justement de ce côté benêt pour lui faire transporter une Cadillac qui est pleine de... Soit de drogue, soit de joyaux, soit de plein de choses. Et donc le film raconte le périple de ce personnage, en Italie principalement, et un peu en France également, avec un Louis de Funès. Donc Bourville joue le rôle du Corneau, et Louis de Funès joue le rôle de Monsieur Saroyan, qui suit donc un peu les pérégrinations de cette voiture, puisque tout ce qu'il y a dedans lui appartient. Et sans le faire exprès, bien sûr, Bourville arrive toujours à se sortir de la situation et à déjouer les pièges qui lui sont tendus. Un côté inspecteur gadget, finalement. Donc, et d'ailleurs, il y a un passage, et on peut peut-être s'en écouter un extrait, où il se retrouve dans un garage et De Funès vient réparer le trou qui a été fait, donc avec une musique classique très connue. C'est parti. Effectivement, ce passage qui reste culte. C'est marrant que tu aies proposé cet extrait parce que moi, le Corneau, j'ai pas beaucoup de souvenirs. C'est une erreur parce que je sais que j'avais adoré. Et en revanche, l'extrait que tu as proposé, c'est tout de suite la deuxième scène qui m'est venue en tête après la dodoche qui a explosé. Quoi, tu vois. Ah, voilà. Bah, la dodoche qui a explosé, qui a été reprise dans plein de pubs d'assurance. Ah bah oui, ça c'est voilà, c'est pour ça que c'est culte. Voilà, donc ça. Sinon, c'est pas dans celui-là qu'il y a une scène où De Funès est sous la douche avec un culturiste qui bouge. Ah oui. Moi, c'est la scène dont je me souviens le plus en fait. Oui, le mec qui fait bouger les pectoraux là. Oui, évidemment. C'est très gay. Et De Funès avec son corps de poulet essaye de faire la même chose. Évidemment. Avec un Bourville en train de draguer une autostoppeuse dans une tente. Ils sont dans un camping. Enfin bref. Excellent choix pour Noël. Hein. Donc voilà, en termes de tranche d'âge, hein, j'ai pas précisé au départ, mais les deux Funès, on va dire que c'est pour tout public, mais il faut quand même que les enfants aient au moins 6-7 ans pour arriver à commencer à comprendre les subtilités des blagues. Mais c'est beaucoup de comiques visuels de Funès, donc ça peut passer effectivement assez tôt en âge et il n'y a pas de soucis de violence ou quoi que ce soit. Non, c'est très fin. Voilà, après, en deuxième choix, donc on a, enfin, en film emblématique, on a bien sûr La Grande Vadrouille, qui là est quand même, pareil, toujours la doublette Bourville de Funès. Pendant longtemps, c'était le film le plus, qui avait fait le plus d'entrées dans l'histoire du cinéma français pendant très très longtemps. Jusqu'à être dépassé par... Non, on va dire qu'il est toujours le premier film. Je crois que c'est les Ch'tis, non, qui l'a dépassé. Non, il y a eu Titanic déjà aussi. Mais français, film français. Oui, les Ch'tis, oui, malheureusement, c'est ça. Oh, ça va, c'était pas un étron non plus. Alors que La Grande Vadrouille, et vous savez, je vous l'ai déjà dit que je suis pas très fan de Funès, voire pas du tout, mais La Grande Vadrouille, tu peux le regarder encore maintenant, ça devrait faire à peu près la 300e fois que je le verrai, et ça me ferait toujours marrer, quoi. Ouais, avec clair. Notamment la fameuse scène dans l'hôtel où De Funès dort avec le général allemand qui ronfle comme pas possible. Ça, c'est culte, ça. Ça. Cette scène est magnifique. Bon, faut dormir maintenant, voilà. Où il fait d'ours et tout, et tout. Quand il tape sur la grille, sur la grille. Et Bourville demande à De Funès, comment vous me trouvez physiquement? De Funès qui lui fait, bon, il faut dormir maintenant. Il faut dormir. Pour pas lui répondre. Non, c'était bon ça. Hein. Avec la vieille tactique du 6 qui, une fois que tu claques la porte, ah bah passe en œuf. Enfin bon. Le T42, voilà. Hein, bien sûr. Ah oui. Et le T42, Big Moustache. Enfin bon, voilà quoi. On a aussi bien évidemment La Folie des Grandeurs, qui est peut-être un peu moins connue, mais recèle également des passages cultes, avec notamment une performance d'Alice Sapriche absolument exceptionnelle, Donna Juanita, et un Yves Montand qui donne quand même bien la réplique à De Funès. Ah oui. Voilà, donc c'est vrai que ça reste très très sympa. Et la seule chose qui peut faire peur aux enfants, mais qui les amuse aussi, c'est le torchon dans les oreilles. Donc un torchon qui transperce les... Je sais pas, j'ai vu, j'étais très petit, hein, ce film-là, ça m'avait pas... Mais bah, moi, ma fille, ça lui avait fait tout bizarre. Enfin, ah bon enfin, ouais, non, je me souviens que ça m'avait pas forcément choqué, mais ouais, ça m'avait surpris, je m'attendais pas à ça. Et je suis resté bouche bée devant ma télé, quoi. Donc, et puis voilà, puis avec une musique de Paul Naref, enfin, toujours sympa. Et puis bah, le dernier, alors on va en parler un peu plus, Les Aventures de Rabbi Jacob. Ah, je pensais que tu dirais La Soupe aux Choux. Ouais, non, j'ai hésité, mais en fait non. Non, Les Aventures Rabbi Jacob, c'est... Ah, oui. Les Aventures de Rabbi Jacob, donc, c'est l'histoire d'un rabbin qui vit à New York, qui vient en France pour voir sa famille, enfin une partie de sa famille qui est en France. Et bien évidemment, le rabbin, il va lui arriver quelque chose. Il va pouvoir être à l'heure et arriver à l'aéroport comme prévu. Et c'est du coup De Funès qui va, entre guillemets, endosser le rôle de Rabbi Jacob. C'est vraiment un résumé très très rapide. Et c'est pareil, ce film est bourré de passages cultes. Salomon est juif, je vous garde quand même. Enfin, bon, tout ça, le bateau qui s'appelle Germaine II... Enfin, Victor Pivert, quoi. Comme le Pivert. Et puis, bon, non, le chewing-gum, le Yankee, avec les effets spéciaux. Moi, je l'ai revu il n'y a pas très longtemps avec mes enfants. J'en avais parlé déjà dans un précédent podcast. Et ils ont trippé, quoi. Vraiment, ils ont... ils m'en ont parlé encore récemment, quoi. Genre, Rabbi Jacob, c'est la scène du chewing-gum, c'est celle qui marque les mômes. Ça marque à chaque fois. Et ça a fait mouche également sur les miens, quoi. Ah oui, non, ah non, mais c'est un gag visuel qui fonctionne. Ouais. J'aimerais bien creuser le dossier de savoir comment ils ont la colle ou je sais pas ce qu'ils ont dû mettre, tu sais, c'est évidemment pas. Ah, mais a priori, il disait que ça c'était très très similaire. J'avais lu un article là-dessus. C'était très similaire à du chewing gum. Ah ouais. A priori. Non, il y a une scène où il y a dans la chaussure, il y a une bulle qui explose. Donc c'est des ballons. Voilà, c'est un ballon. Pareil sur qui la explose. Tête. Voilà, exactement. Mais pour tout ce qui est quand il tombe dans la cuve, c'est une sorte de gélatine, enfin une pâte qui vraiment, enfin génial. Et puis, évidemment, De Funès est un raciste vraiment de premier ordre dans ce film. Et voilà les répliques sur non mais Monsieur le Commissaire, bon tant qu'ils se tuent entre eux, très bien. Moi il y en aura, mais voilà et puis. Bon, mais il est noir, regardez, elle est blanche, il est noir. Quand il est dans les embouteillages au début du film, où il dit « j'aime pas les Belges », il nous pollue les Belges, et puis, ah, regardez, c'est français ça, et qu'il y a un espèce de français qui fume sa gitane maïs dans la voiture, un vieux doigt d'honneur, je sais pas et quoi, qu'il l'insulte à moitié, il se retourne, il sait plus quoi dire, magique. Et donc, et puis avec une Miu Miu également, qu'on ne cite que peu dans ce film. Oui, c'est la mariée. Voilà, et qui pose le. Donc à la fin, il y a une scène avec l'hélicoptère, qui du coup, il y a sa coiffe qui s'envole, et on se rend compte qu'elle a des cheveux roux très très très très, très longs. Enfin voilà, ça m'avait marqué ce passage. Et Slimane aime les rousses. Et Slimane qui. Alors, double déjà... Ulysse. 31. Voilà. Les bouclés. Bon, je dis à peu près à chaque podcast, mais. Voilà. Bah, on radote en fait, on est un peu des. des... on est des papis maintenant, oui. On est les papis du Muppet Show, tu sais. Voilà, enfin bon, donc tout ça pour dire que ce film, enfin, il faut l'avoir vu, quoi. Il n'y a pas à tortiller, je veux dire, c'est... Et à chaque fois, enfin, très souvent dans les films de Funès, on a Daniel Thompson qui officie aussi à tout ce qui est scénario. C'est quand même quelqu'un qui... C'est intemporel, fait... hein, les œuvres de Funès, c'est intemporel. Hein. Tu peux regarder, dans les années 80, ça marchait parfaitement bien. Aujourd'hui, ça marche parfaitement bien également. Après, il y a du tri à faire. Hein. On en a déjà parlé dans d'autres podcasts. Oui, mais dans les œuvres que tu as citées. Ah, bien sûr, bien sûr. Bah, les quatre que tu as citées, oui, c'est le trio de, le quatuor de tête, oui. Mais vraiment, en plus, c'est complètement 80s. La soupe aux choux, c'est cultissime aussi. Hein. Enfin, moi, j'en parle vite fait parce que pour moi, ça peut également être un truc de Noël. Moi, je les ai revus. Et en plus, ils étaient beaucoup plus jeunes. Ça fait bien 2 ans que je les ai vus avec mes enfants. Et ils avaient adoré, quoi. Bah, tu sais, dès qu'il y a des routes, des machins, le glaude, il faut qu'on pète et tout. Ah, là, les baumes, tu vois, enfin, c'est extase, quoi, tu vois. Ah bah oui. Enfin, voilà, donc un acteur absolument génial, qui, pareil, dans la vie, était beaucoup plus triste que sur ses films. Il était pro. Et qui est mort, donc, en 1980. Ouais. Et un gendarme, ça ferait pas de mal aussi pour Noël. Moins. Ah, les gendarmes, c'est plus l'été. Hein. J'en avais parlé quand j'ai parlé des gendarmes extraterrestres. Ça passe bien quand même. Oui, bah, ça fait toujours le taf. Le taf. Voilà, donc effectivement, je tenais quand même à évoquer ce grand acteur intemporel comme tu l'as dit. Ah oui. Voilà, les amis, je crois que quand même on a balayé. Alors, effectivement, on va quand même citer aussi les bêtisiers, voilà, juste pour évoquer forcément, bêtisiers, traditionnels bêtisiers de Noël ou du jour de l'an, on ne sait plus trop. Et les fameuses émissions enregistrées 2 mois à l'avance où on dit « Joyeux Noël !» C'était en octobre. Tout va bien. Enfin, voilà. Quoi. Avec les stars qui sont à la mode au moment. Enfin, c'était déjà... Et les émissions de Maritier et Gilbert Carpentier également. Voilà. Écoutez, on espère que toutes ces belles suggestions vous auront réveillé plein de souvenirs et vous auront donné envie de regarder un peu la télé façon 80s. Au moment de la dinde et de la bûche de Noël. On va vous souhaiter à toutes et à tous de très très belles fêtes de fin d'année et puis on va se donner rendez-vous l'année prochaine. Joyeuse Mikado fête. Spades, merci à tous les deux. Merci et à toi. Et puis à très bientôt. N'hésitez pas à nous laisser vos commentaires hivernaux, puisqu'on est encore en automne, mais on sera bientôt en hiver pour Noël. Et on va se quitter sur une chanson typiquement Noël, à savoir Petit Papa Noël de Monsieur Tino Rossi. Allez, à bientôt. Salut, salut, ciao. Ciao et ciao. Joyeux Noël à tous. Joyeux Noël. Oh, joyeux Noël. Géant vert. Ah non, c'est pas lui. C'est la belle nuit de Noël. La neige étend son manteau blanc et les yeux levés vers le ciel. À genoux les petits enfants avant de fermer les paupières. Une dernière prière. Petit Papa Noël, quand tu descendras du ciel avec des jouets par milliers, n'oublie pas mon petit soulier. Mais joyeux Noël à tous les éditeurs d'Aïtis le podcast. Joyeux Noël! Joyeux Noël! Joyeux Noël à tout le podcast. Joyeux Noël à tous et bonne année. Mais s'il vous plaît, demandez à Papa Mikado de se taire et d'arrêter de chanter. Parce qu'il chante faux, comme une casserole.